de concevoir ma vie sans le son, c'est madame et chaque soir faut qu'on s'aime, qu'on s'accoupe comme sur scène. Rien d'apparent chez moi c'est dans le sang, et c'est pourquoi c'est pas forcément dansant. T'entends, j'aime l'argot, la foule, les supporters, statut de libertaire. Et nickel terre-terre, mais pas pour faire peur, ni trop barbare ni sectaire. J'suis dans un délire pépère, maintenant j'peux rien faire pour ceux qui craignent la différence. Désolé si j'évolue selon mes propres références. J'ai vécu dans les ronces, pas vu que des trucs roses. Voué à l'errance, depuis tout petit on troque russe. Ben ouais, on tire la tronche, y'a tellement de trucs atroces. Dans mon pied car, on pressent tous que la fin approche. Des frères partent, atmosphère suspecte. Et chaque jour les stupèges, je nique le terrain. Lâche ma galette comme un runira, avance en sous-marin. Et demain trop puissant, on me dira rap conquérant. Je fais la zermie au faux concurrent, scandalise le mouvement, lâchant le flot à contre-courant. Je nique le terrain, lâche ma galette comme un runira, avance en sous-marin. Et demain trop puissant, on me dira rap conquérant. Je fais la zermie au faux concurrent, scandalise le mouvement, lâchant le flot à contre-courant. Et les gens me parlent de signer en major, comme si j'avais que ça à faire. Mêler des incompétents à mes affaires, depuis le départ, perturbateur, je te donne la température, je suis le bête noir, pas le rabatteur. En guerre comme Albator, dans le rap, je suis un mec à part qui pense qualité d'abord et qui ensuite galère tant que ça part. Tant qu'à faire, mais sans les laisser maquer mon bise. Sur le terrain, tout se joue sur la marchandise. Et tout le monde sait que j'ai de la bombe de la bonne et pas emballée. La vraie, celle qui a pris sa texture dans nos allées. Donc sans péter avant l'heure, je la verrai la couleur du dollar. D'une manière ou d'une autre, mais le tout dans les règles de l'art. Le terrain, lâche ma galette comme un runira, avance en sous-marin et demain trop puissant. On me dira rap conquérant, j'fais la zermie au faux concurrent. Scandalise le mouvement, lâchant le flot à contre-courant. J'nique le terrain, lâche ma galette comme un runira, avance en sous-marin et demain trop puissant. On me dira rap conquérant, j'fais la zermie au faux concurrent. Scandalise le mouvement, lâchant le flot à contre-courant. J'peux toujours boycott si t'as la rage. De toute façon, peu importe, moi et mes potes on fait barrage. Ou sinon t'as qu'à tenter de la faire par rush. Nous on a celle dont les Yankees raffolent. Tu vois, donc tous les quarts d'heure une rafale. Ouais, tu sais pas où j'peux trouver un sommaire là. Si. Tombe bien, très rond dans l'immeuble là, secret, t'en veux pour combien? Que ça. Ok, bon, prends celle-là et goûte-la tranquille. Et sur ma tête, que demain tu repasses et tu m'en prends un kill. Parce que si tu respectes le concept, obligé tu l'achètes. Car dans le rap, je suis une bastos, mais je peux rien faire si tu presses pas la gâchette. Moi j'attends que ça, de remettre le peur à sa hauteur. Gifler les skyrockers qui ne profitent qu'au carotteur. Quitte à niquer le terrain, faire des tarots de tarés. J'ai coulé des kilos entourés d'enculés. Moi je vais pas faire des tubes bêtes parce que faut faire kiffer les enfants. Je préfère m'en sortir autrement en attendant. Le terrain, lâche ma galette comme un runira, avance en sous-marin et demain trop puissant, on me dira rap conquérant. J'fais la zermie au faux concurrent, scandalise le mouvement, lâchant le flot à contre-courant. J'nique le terrain, lâche ma galette comme un runira, avance en sous-marin et demain trop puissant, on me dira rap conquérant. J'fais la zermie au faux concurrent, scandalise le mouvement, lâchant le flot à contre-courant. Comme ça. Front kick.